starts now. Faut faire le plein de bonne humeur. Ça tombe bien, vous êtes à l'heure. Dès 20h, c'est du direct. On va rire, ce sera marrant. On s'en fiche du reste, on s'en fiche des autres. Les bons délires, ça, on leur fait confiance. Durant 2 heures, sans une prise de tête, c'est bien parti, on délire ensemble. Jadoule, Jadoule, Jadoule, tous les mercredis. Jadoule, Jadoule, Jadoule, dans la trappe. Jadoule, Jadoule, Jadoule, tous les mercredis. Jadoule, Jadoule, Jadoule, dans la trappe. 3, 2, 1, dès 20h, la trappe avec Jadoul et toute son équipe sur KIF. Waouh! Bienvenue, on est mercredi et tout va bien. On est là pour vous changer les idées, pour démarrer une nouvelle émission. On vous a prévu plein de surprises. On est vraiment très heureux que vous nous rejoigniez. Là, vous tombez peut-être par hasard sur la radio, vous êtes dans la voiture, vous rentrez du travail. Vous avez peut-être eu une journée qui n'est pas terrible. Oui, peut-être. Et là, on vous change les idées. Coup de bol, vous tombez sur Jadoul. Heureusement. Bah ah, attendez, oui. Vous tombez sur la radio d'en face, vous vous dites, bon, bah voilà, c'est que sympa faire, comme que truc, faire. Bon. Ouais, bon. Ça va, Maëva? Qu'est-ce qu'il y a? Mais. Ah. Là, c'est bon? Mais elle on découle a... le matériel. Mais non, mais regarde, la petite lampe, elle se met pas. Ah oui, le voyant rouge du micro de Maëva ne s'allume pas. Le voyant rouge de Maëva est en panne. Et là, oui, ok, c'est bon. Donc, c'était juste une question de petit voyant. D'accord. Et donc, j'ai cru qu'on avait inversé les petits boutons, et voilà. Ah. Eh ben, c'est ce qu'on va commander pour Noël, hein, une petite lampe rouge. Une petite lampe rouge. Un petit voyant. Non, mais tu comprends, réduction, économie et tout ça, on a dû en mettre sur le sapin. Ah, oui. Donc, on t'a piqué la lampe rouge du micro. Ah, c'est donc ça. Tu nous en veux pas? Non. Ah bah alors ça va. Pour Noël, je vous en veux pas. Ah, bienvenue. Je vais directement vous présenter. Vous savez quoi? On va changer. Pour une fois, on démarre par vous. Ah, c'est gentil ça. Ah, vous êtes privilégiés. Ah, on va démarrer par notre pétroleuse, comme on aime l'appeler dans le métier. Non. Ah si, j'aime bien ce terme. Oh. C'est joli, non? Non. Ok. Eh bien, on accueille Maëva. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Tu passes de bonnes semaines pour le moment? Oui, ça va, ça va. Mais je suis contente d'être là, j'avoue. J'étais un peu... J'avais besoin de vous pour un bon boost d'énergie. Quoi, t'es pas bien? Je suis, mais j'étais fatiguée. Dis-nous tes petits bobos. Non. Qu'est-ce qui va pas? Mais rien. Ah ouais? C'est l'hiver, c'est la fatigue, le froid, tu eh sais. Eh bien, le meilleur remède pour l'hiver, c'est... Une soupe au poireau. Exactement. Ah oui, c'est vrai. Ah, faut pas l'oublier. Tu m'en as préparé une? Voilà. J'ai pas ça. Mais par contre, j'ai la pâte à cookies dans le frigo. Ah. Tu fais ce que tu veux. Arrêtez, j'ai déjà faim, donc. Ouais, moi aussi. Ne me lancez pas. Qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Ah, j'ai rien mangé encore aujourd'hui. Ouais, bah, je crois qu'on fait tous la même en fait. Ouais, c'est pas bien ça. J'ai bouffé une boîte de cookies en arrivant. Ah, bah bravo, merci. Bravo. Ah, ça pense à l'équipe, hein, bravo. Mais fais pas genre, vous m'avez vu, vous passiez devant moi et j'étais là en train de manger mes cookies toute seule. Je remercie mon équipe de ne pas m'avoir balancé car j'étais en train de bouffer une boîte de. Comment ça s'appelle? Je sais pas, c'est quoi ces trucs-là? Tu parles d'épices. Et moi, je t'ai en train de manger. Enrobé de chocolat. Et tu m'en as même pas proposé un morceau. Bon, non, c'est ma boîte de pain d'épices. Mais moi, je t'ai proposé des cookies. Mais moi je te propose pas mes pains d'épices. Il faut du troc ici. Moi j'ai picoré dans les fruitella. Je sais pas comment ça s'appelle ça, hein, ces fruitella. On devrait tout bonbons, arrêter pour un faire un bonbon. Truc gastronomique. C'est vrai. C'est ça. Et on sait très mauvais. Dans un instant, on va se diriger vers une télé locale pour parler d'un sapin de Noël et pas n'importe lequel. Un grand et gros et lourd. Je parle pas de moi, mais d'un sapin de Noël. Ça arrive. Non, sinon, on aurait rajouté piquant. Je t'emmerde. Et on va aussi avoir On n'est pas des pigeons. Cette émission de la RTBF qui commence de plus en plus à faire parler d'elle. Avec des séquences. Fais pas cette tête-là, mais. J'ai rien dit. On les embrasse. Et on va avoir le retour d'une séquence qui n'est pas encore revenue depuis oulala septembre. Ah. Oulolo. Le jeu du texte. Ouais, super. Qu'est-ce que tu vas nous faire faire encore? Ah, je ne vous en dis pas plus. Mais après cette séquence, il n'est pas impossible que vous ayez des Oscars, des Césars, des récompenses parce que vous allez briller par votre talent. Trop bien. Ah waouh. Merci. Je m'aventure peut-être dans des grands mots. Hein. J'ai peut-être mis la barre un peu haute. Pourquoi tu me regardes en me disant ça? Et notre invité sera dans l'interview Brutal Kicks. Woogies, c'est un influenceur belge. Woogies. J'ai pas tout compris. Woogies. Il fait quoi? Bah, il fait des vidéos culinaires, des petits TikTok. On va lui parler de nos pains d'épices, on verra si on sera à la hauteur. Je suis pas sûr, je pense qu'il fait mieux que nous. Bon, ok. Et le point de Maëva dans quelques minutes sera... La mise à jour, je vais faire les sorties du mois de décembre. Ah, c'est parfait. Ça, j'adore. Tout ce qu'il faut regarder sur Netflix, tout ce qui va sortir au ciné, tous les téléfilms de merde qu'il faudra se taper. J'adore avec cette séquence. Avec le petit plaid sur les genoux. Ah ouais. Et le chocolat chaud. Ah. Mmh. Et les petits cookies. Ah, je suis déjà bien. Ah, c'est bon. Je pars. C'est bon, je m'enfonce dans le fond, là, du fauteuil. Ah. Wow. Jadoul et son équipe dans la trappe. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Petit sondage dans l'équipe. Qui a déjà commencé à faire son sapin et ses décorations de Noël? Moi. Ah, Kix, qu'est-ce que tu as fait? Bah, j'ai fait plusieurs sapins d'ailleurs. J'ai fait un sapin chez moi dans ma maison principale. J'en ai fait un dans mon logement sur Namur. Oh là là, ça fait le mec qui a plein de thunes. Non, pas du tout. Et j'en ai fait un dans ma villa, en Espagne. J'ai été également en Grande-Bretagne dans mon pied-à-terre, vraiment modeste demeure. Non, du tout. Non, c'est pas ça. Mais voilà, mais c'est des petits sapins, hein. C'est rien de fantastique, mais voilà. Ça se trouve, il a juste posé des trucs de Kinder Surprise de 2 cm de haut partout. Je montrerai des photos, tiens, si tu veux. D'accord. Ah. Bon, alors, on sait que tu t'es donné à fond pour Halloween, toi, Maëva. Oui. Mais alors, Noël Si, mais alors d'habitude, je suis un vrai petit elfe de Noël, j'adore faire ça super tôt. On parle pas des oreilles, bien sûr. C'est vrai que j'ai jamais vu tes oreilles parce que t'as toujours un casque, on s'est toujours connu avec le casque. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Retire le casque. Non, tu vas être. Non, si, j'ai envie de découvrir les oreilles de Maëva en direct. Oh, elle tombe sur mes jambes. Heureusement que t'as des longs cheveux. Mais oui, ça les cache. Oh là là. T'as des très belles oreilles, Maëva. Merci. Mais du coup, non, j'étais pas. En fait, j'habite chez ma maman. Et quand elle veut pas qu'on le fasse avant Saint-Nicolas. Et puis j'étais pas là cette dernière semaine. Elle a raison, Isabelle. Mais oui, mais non, mais moi je veux faire le sapin de Noël maintenant. Non, mais c'est vrai. Non, je suis d'accord. En fait, même moi, je l'ai fait beaucoup trop tôt. Mais c'est parce que j'avais besoin de reprendre de la déco pour l'amener ailleurs. Donc il fallait d'abord que je termine un endroit pour pouvoir prendre le reste et les ramener. C'est Pékin Express, lui, c'est déconne. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Bah, parce qu'en fait, voilà, il y a la maison où je vis principalement, puis il y a mon code. Vous sentez pas qu'on emmerde tout le monde, là? Oh, il est voilà, beau, je montre la petite photo de mon sapin. Il est beau, il est très beau. Blanc et rouge, comme ça, c'est vraiment des belles couleurs. Ouais, j'aime bien, moi. Enfin, blanc. Vous allez faire quoi comme couleur, vous, d'ailleurs? Alors j'ai pas encore trouvé mon sapin, mais j'ai décoré, regardez, tout le balcon là dehors. Ah waouh. Mais il suffit de l'allumer là. On voit juste les voisins. Mais pour vous dire, je devais commander 3,6 mètres de guirlande et finalement j'ai 36 mètres de bougies, de LED sur le balcon. Trop bien, ça va être trop beau. Ah ben on allume. Si vous voulez, à tout moment, on le fait. Allez, après la séquence, on le fait. Ok. Vous parfait. Découvrez le balcon du studio. On est chez moi, hein, comme ça vous le savez. On y va, attention. On devait parler de quoi? Parce qu'avec tout ça, nous, on a fait des... Ah oui. Le pour toi de la semaine. Le pour toi de non. la semaine. Si, c'est ça. On va justement parler des décorations de Noël. Et direction le jardin de particulier à Moircy, c'est du côté de Libramont. On est venu me trouver un jour pour dire... Vous voulez vendre votre sapin? On dit, c'est bizarre, c'est un peu une boutade, ça. Et tout compte fait, non, c'est la réalité. Oh, bah, qu'est-ce que c'est que ça? Une boutade, mon sapin, mon jardin. on veut prendre votre sapin. La première fois, vous avez dit non, et... Alors, la première demande ne s'est pas concrétisée. Non. Puis, quand on voit la taille du sapin, sa proximité avec la maison, le nombre de rafales de vent qu'on peut avoir, vous avez commencé à avoir un peu des doutes. Oui, exactement. Voilà. C'est à partir de ce moment-là qu'on a mijoté. Allez, on va faire le pas. Faire le pas, puis on va se dire... Et derrière au vent. Le mec est en train de tronçonner. Ben, je continue, hein. En fait, semblant que je suis pas là. Non mais attendez, ça se trouve il a pas dit oui. Et le mec est seulement en train de répondre. Oh, pourquoi pas. Avec les rafales de vent, c'est dangereux. Attention, ça tombe. C'est légendaire. Non mais c'est fou. Bon, c'est quoi comme sapin qui intéresse autant? C'est un magnifique Nordman, haut de plus de 17 mètres et âgé d'une trentaine d'années. Très bien, merci beaucoup. Il pèse combien? On avait estimé 4 tonnes. Il en fait 3,5. Ah, 3,5. 3,5. Ah, c'est costaud, hein. C'est énorme. C'est énorme. Ah, c'est très technique. Et quand on entend la voix off, on a l'impression qu'il est 2h du matin, qu'on s'assouffle devant Danse avec les Stars et qu'on se réveille en plein milieu de chasse et pêche ou de programme un peu bizarre. Écoutez la voix du journaliste. Le levage est un des moments critiques. La pause sur le camion également, car le tronc est alors sous tension. Il faut aller vite, mais sans se précipiter. La circulation a été déviée une bonne partie de la matinée pour permettre à la grue de travailler. Ce camion spécial est venu de Tunis pour réceptionner et transporter ce roi des jardins. Oh, on est le matin, remets-moi un café, s'il te plaît. C'est plutôt un paquet de clopes, là, je pense. Le documentaire animalier, le mâle de la grenouille va arriver pour féconder. La Maëva arrive dans son milieu naturel. C'est ça. Elle est tout à fait vêtue de ses vêtements habituels. Wow. Non, mais je ne suis pas assez grave, en fait. Ouais. Non. Il faut 20 ans de clope plus tard pour pouvoir avoir sa voix. Bon, il va où ce gros sapin? Parce que c'est pas ça le sujet au final. Il ne part pas pour n'importe où. Non. Il part pour le quartier de la Défense à Paris. Donc, on est fiers, déjà. Où il va aller? Donc on va aller le voir. Hein. Oui, vous allez en profiter pour aller faire un petit séjour à Paris. Oui, voilà. On a déjà réservé l'hôtel, donc on est prêt. On dirait une vieille blague belge. Nous, on a été dans un hôtel en France. Avec le mauvais accent belge. On a été déposer une bûche. On reste route. Un dernier mot, conclusion, monsieur à la grosse voix. Ce sera sur la place de l'Europe, place Simone Veil, dans le 8e arrondissement de Paris, à deux pas de la gare Saint-Lazare, que le sapin de Linda et Dominique va trôner durant les fêtes de fin d'année, décoré de mille feux. Il y a pire fin pour un sapin. Aïe. Purée. Je crois que le gars là, c'était le documentaire de toute sa vie. Ah oui. Et là, on aurait pu dire, il y a meilleure fin pour une interview. Mais non, ça rime pas, abruti. Oh. Lui, il a bossé son truc. C'est vrai, il a fait la rime. Oui, il vient de capter. Mais il est fou. Merci, Kix. Dès 20h, Jadoul et son équipe dans La Trappe. Deux journalistes, trois producteurs, 4 heures d'antenne, 5 auteurs, 0 problème technique, 6 personnes au micro. Jadoul, dès 20h, en direct. Enfin, ça, c'était le projet. Kaïef leur a finalement accordé 5 euros et un repas chaud. Et voici ce que ça donne. Wow. Dès 20h, c'est Jadoul sur Kaïef. Il faut qu'on me présente un jour cette chèvre. Elle devient la mascotte de l'émission. Ah, c'était une chèvre? Oui. On aurait dit un bébé qui rigole. C'est facile à faire. Oula. Non, c'est pas ça comme ça. C'est pas un bébé qui rigole, ça. Mais, c'est un bébé chèvre. Ah, un bébé chèvre qui rigole. Ah oui, ça, c'est pas mal, ça. Ouais, elle nous a tout mixé. Bravo, Maëva. Toujours plein de talent. Ça jaillit chez toi, hein, comme on dit. Bon, je vous propose qu'on se concentre un petit peu. Est-ce que vous savez notre grand, grand, grand talent caché en Belgique? On a une activité que aucun autre pays n'a et ils peuvent nous envier. À part manger des frites. Allez, on va dans les clichés. Les frites, les gaufres. Maëva, elle est avec nous. Oui, les clichés belges, je sais pas, moi, buveur de bière. Ah, la bière, oui. Pardon, j'ai pas ouvert la tranche. La bière, oui. Nous voici devant l'un des tout premiers spa-bières de Belgique. Trois ont vu le jour au pays de la bière en à peine quelques années. Vous avez bien entendu des spa-bières. Un spa-bière. Quoi? Mais bon, attendez, on va découvrir tout ça. C'était dans l'émission On n'est pas des pigeons sur la RTBF. La question qu'on se pose tous, c'est plonge-t-on vraiment dans la bière, dans ce spa bière? Dans un spa bière, on ne plonge pas réellement dans de la bière, mais dans de l'eau à laquelle on ajoute les ingrédients de la bière. Oh. S'ils peuvent mettre la musique derrière plus forte pour qu'on comprenne vraiment rien, ça nous arrangerait aussi. Non, bah alors, on peut y retrouver de la bière, mais en faible quantité dans l'eau. C'est important de rajouter de la vraie bière? Ben, on le fait justement pour les cheveux. Donc ça, c'est connu que c'est un... Ça, c'est ses effets bénéfiques. Oui. Ah bon? Mais alors, peut-être pas la bière, mais la levure de bière, c'est vrai que ça fait pousser les cheveux. Genre, je me plaignais à ma coiffeuse, j'ai pas mes cheveux qui poussent assez vite. Elle m'a dit, ben, faut que tu prennes de la levure de bière. D'accord. Depuis, elle s'est transformée en cake. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, je bois tout le temps en soirée, j'ai toujours des cheveux courts pourtant. Depuis, même quand elle est de dos, on pense qu'elle est de face. Non, mais... Boire en soirée, ça n'a rien à voir avec se mettre de la bière sur les cheveux. Hein. J'inverse ma blague en plus. Elle a quoi? Bah oui. Non, mais quand elle est de face, on dirait qu'elle est de dos. Oh déjà tout à l'heure, tu comprenais pas les blagues, n'essaye pas d'en faire là pour le moment. Allez, concentre-toi. Bon, alors quels sont les bienfaits de ce spa bière sans bière ou en faible quantité? Peau lisse et douce rend les cheveux brillants. La teneur en silicium aide à ouvrir les pores. Le monsieur n'est pas dyslexique, il est en train de lire. Hein. Je préviens parce que lisez un peu lentement. Bon, enfin, selon un spécialiste, il semblerait que tout. De même que ce soit... Oh là, mal écrit ça. Selon un spécialiste, il semblerait tout de même que ce ne soit pas réellement conseillé. Bref, les spécialistes ne recommandent pas ça. Le houblon, l'orge, la levure de bière, ce sont des produits naturels, entre guillemets, mais qui sont bourrés de protéines. Or, les protéines par contact avec la peau donnent pas mal d'ennuis. C'est une espèce d'allergie aux protéines. Oh là là, ça fait peur ça. Ah bah super. Bon, on rappelle que c'est très bien, c'est peut-être à tester, mais c'est avec modération. Bon, moi, je préfère la boire. On est censé être la bonne parole à la radio. Mais j'ai pas dit qu'il fallait se mettre une mûre. J'ai dit on peut déguster une bière avec sagesse. La majorité des gens qui nous écoutent, là, ils sont en voiture. Mais une fois à la maison et les clés dans le porte-clés. Qu'est-ce qu'il raconte? Cette équipe est partie en cacahuète en deux semaines. J'ai rien vu passer. Il y a eu. Vous vous shootez à quoi en fait? Vous êtes en manque de sommeil? C'est le début d'un AVC ou d'une dépression peut-être? Mais non, mais c'est tout. Voilà, ok. Tout va bien. Tout va très très bien. Waouh! Bah, en tout cas, on découvre qu'on a des chouettes trucs chez nous, des saunas à la bière. C'est non, fabuleux. Des spas. Ah, oui, putain. Oh, mais c'est la même chose. Ni demain, ni jamais. On n'y arrivera pas avec toi. Des trucs de détox, tu peux le faire, voilà. Mais non, pas détox, détente. Détente, j'ai dit. Mais enfin, j'ai dit détente. Tu crois pas qu'il faut le redémarrer? On arrive à la fin de l'année. Et moi, il faut le reboot, Kix. T'as raison. Alors, tu sais quoi? Tu sais ce qu'on va faire? Kix? Oui, viens ici. Voilà, je pense qu'on va laisser un peu décanter la machine. On attend. Bon, bon, bon. Oh merde. Attends, je vais le configurer. Je suis là. Erreur. Oui, erreur. Et quelle langue on met? Attends. Erreur. Attends, là, c'est sur allemand. T'es sur allemand? Ah ouais, attends, Là, c'est bon? Allô? Oh, il est revenu! C'est bon! Ah bah oui, on m'entend. C'est une réussite. Et j'ai fait un beau allô comme si on était au téléphone, c'est magnifique. Allô. Mais on m'entend. Il est conscient, c'est quand même bon signe ça. Bon les amis, je vous propose que tous vos problèmes mentaux vont me coûter de l'argent, donc autant faire rentrer un tout petit peu de monnaie dans la radio. Ah oui, c'est une belle idée ça. S'il vous plaît, il est temps qu'on passe une page de publicité. Et voici maintenant la publicité intelligente de Radio Falminiul. Cette diffusion nous aidera à payer l'électricité et bien sûr aussi le courant. À Péroué, près de l'école et la garderie de la Grand Place, il est un endroit chaleureux et convivial où l'on peut suspendre le vol du temps et satisfaire une envie gourmande avec une crêpe savoureuse accompagnée d'un délicieux café. C'est la Crêperie Bar à Café, un endroit de grande proximité, la Crêpe Marque. La famille Dutroux, une équipe familiale, vous propose des crêpes salées ou sucrées déclinées en de multiples saveurs pour le plaisir de vos papilles et une douzaine de délicieux cafés. Mais aussi, petit déjeuner à partir de 8h. Pour les jeunes, un candy bar est disponible avec un choix de friandises. Notez que le mercredi après-midi pour les enfants, vous pouvez compter sur la présence de Jean-Luc Lahaye et l'ancien grand gagnant des 12 coups de midi, Christian Quesada, pour sucer une bonne glace ou s'enfiler une bonne crêpe avec le sourire. La Crêpe Marque vous réserve le meilleur accueil lundi de 8h à 18h, mercredi jeudi de 8h à 20h, vendredi et samedi de 8h à 22h et le dimanche de 10h à 20h, ouvert non-stop, fermeture le mardi. Numéro 5 rue Albert 1er à Péroué. Vous pouvez aussi emporter votre commande moyennant une petite récompense en nature. Voilà, bah avec ça nous autres, on pourra tenir une semaine de plus. Bonne écoute de la suite du programme. Alors peut-être que eux vont tenir une semaine de plus, nous à mon avis non. Pas nous, c'est nous, on est fini là, c'est bon. Nous c'est fini. Mais c'est pas nous hein. Mais c'est toi. Non, c'est ta raison, t'as mis publicité payante. Ah oui, c'est eux qui ont payé pour diffuser ça. Au bout la Crêperie Marque. Ah bah c'est eux hein, c'est pas moi. C'était très fort. Allez, lance de la musique, j'adore tout. Non mais on rigole pas de ça. Bon allez, je disparaît. Merci de nous avoir choisi. Dans un instant, notre invité sera pour l'interview brutale Kix. Woogies. Un influenceur. Vous n'avez rien à regarder sur Netflix. Maëva va vous sortir de ce merdier. Ouais. Pas que Netflix aussi. Prime. Prime. Disney. Ou donc, le cinéma pour les. Elle vous invite même chez elle pour regarder un film. Moyennant un petit pyjama. Mignon. Soirée pyjama chez Maëva. En bilou-bilou. Oh. Et des cookies. Avec son petit chien. Là, t'es venu en pilou, non? Non, j'ai mis mon petit. J'ai fait un petit peu. On dirait, tu sais, les couettes qui traînent sur les sièges arrière des voitures, là. Non, mais je fais un peu avec mon écharpe. Mon grand-père, il avait les couettes à carreaux. Ouais, un peu à m'aider dans. Allez, Ah, François Pirette. Le truc d'Amédée. Voilà, eh ben, exactement. Si vous voyez la petite couverture qu'il avait sur ses genoux pour faire le sketch, eh ben, c'est comme ça que Maëva est habillée ce soir. Dès 20h, c'est la trappe. Jadoul et son équipe sur KIF. C'est comme un pare-soleil à ventouse sur une belle voiture de luxe. Ça dénote. Et c'est une faute de goût. Mais ça nous fait bien marrer. Dès 20h, c'est la trappe. Et ouais, attention, là, on va plus rigoler, là, parce que c'est le jeu du texte qui débarque. Est-ce que l'équipe est une bande d'acteurs talentueuses? On va tester vos talents de jeu d'acteur. Alors, c'est très simple. Je dois vous dire bonjour, que là... mais écoute-moi cette merde. T'as un bouton à pousser, le 2. Jeu du texte 2. Ouais, 2, vas-y. Moi, en 2, j'ai... Bah moi j'ai pas ça hein. Ah ouais. Kevin, tu mais lâche ça. Mais il est en train de me spoiler tous les sons l'abruti là. Ah là c'est quoi 2. Ah le 2 là. Mais le 2. Le 2. Merci. Attendez. Mesdames, messieurs, Kix. Oh. C'est terminé. Oh, il m'a spoilé ma séquence. Mais non, non, on n'a rien entendu, je te jure. Je vois toujours pas où tu veux nous mener. Oui, nous sommes les champions de la fréquence. On nous connaît, nous sommes tous amis. Mais j'ai plus envie de le faire, du coup. Oh, on dirait un gosse. Ah, ça m'énerve. On va passer à tu dépêches, l'interview tu fais la brutale. L'interview brutale qui est notre invité, Kix. C'est Woogies. Woogies. Et Maëva arrive dans un instant avec la mise à jour. Quoi? C'est le jeu. On dirait un enfant qui fait un caprice. Dépêche-toi. Allez, j'en remets le bed. 3, 2, 1. Il faut juste m'allumer le. Patient. Non, je te mets rien du tout. Mais allez, on fait le jeu du texte. Non, vous avez tout spoilé. Mais non, on sait même pas de quoi ça parle. On a rien entendu. Les auditeurs aussi sont en train de se demander pourquoi. Voilà. Dépêche-toi. Les auditeurs sont déçus. Tu nous as promis un jeu du texte. Tu nous fais un jeu du texte. Voilà. Allez, d'accord, on y va. Jeu d'acteur en français, ça vient de TikTok. Vous devez donner la réplique à une vidéo. Comme ici c'est de la radio, on n'a pas la vidéo. On vous a remis sur une feuille à compléter le texte pour discuter avec l'actrice qui sera avec nous. Donc okay. En gros, vous donnez la réplique à une actrice. À Kix. Et l'actrice. La réplique. Kix donne la réplique à l'actrice. Je vois qu'on démarre par Kix. D'accord. Oh merde. Alors c'est très simple. C'est de l'improvisation. Oui. Il y a un petit creux, mais une partie du texte est déjà écrite. Donc c'est à toi d'être très fort. Vu que les 32 premières minutes de l'émission ne sont pas glorieuses à ton actif, j'espère que c'est là-dessus que tu vas te rattraper. Okay. Je t'invite à aller dans le texte page 4 et tu vas découvrir, comme tout le monde et comme tous les auditeurs qui peuvent aussi se prendre au jeu dans la voiture, le texte de cette magnifique situation. Déjà, on va découvrir la situation. Oui. Quelle est l'improvisation de Kix ce soir? On découvre. Jeu d'acteur en français. Ton fils Kevin a encore séché les cours pour fumer dans les toilettes. Tu es convoqué chez le proviseur. D'accord. Okay. Ah ouais. Donc mon fils... Ok. Ça va, c'est Kevin. Gérable. Kevin, le texte. Ouais. T'es prêt? On peut démarrer? Vas-y, je vais essayer de comprendre ta séquence. Allez, attention. Action, vas-y. Bonjour madame. Bonjour le proviseur. Vous savez pourquoi Kevin a provoqué cette réunion? Qu'est-ce qu'il a encore fait mon fils? Eh ben c'est très simple madame, il a tapé un élève de 4 ans. Et voilà, c'est vraiment pas très sympathique. Dans donc, le texte, c'est écrit soit drôle. Eh ben je suis drôle, vous avez rigolé. Ok. Quoi? Ben oui madame, et il a en plus de ça mis son slip à l'envers. Attention Kevin, ça va chauffer pour toi la maison. Hey, tu te prends pour qui Kevin? Non mais oh. Voilà. Ah purée. Bon ça vaut, ça vaut ce que ça vaut. C'est quoi ça? Ah bah c'était la même qualité que la dame, hein. Je suis désolé. Hein. On y va, on relance une nouvelle situation. Maintenant qu'il a la main sur le bed, il peut me relancer autant. Ah là, là je coulisse sur le bed. Wow. Fais-nous une petite danse sur ce bed. Hop. Wow. Tu bouges bien ton corps, heureusement que c'est de la radio. Maëva, voici ta situation. Jeu d'acteur en français, je joue la maman qui surprend son garçon en train d'essayer de foutre un coup de fusil sur sa grand-mère. Rien que ça. Mais pourquoi elle... T'as ton fusil? Ok, allez. Maintenant que tout le monde est prêt, tu fais l'enfant Kevin, Maëva. Tu as le texte en page 5? Oui, je suis l'enfant. Allez, okay. Parfait. Tu fais l'enfant Kevin. Attention. Kix, tu me mets le bed qui est en 14. Fais de la radio en direct. Action! Maman, regarde ce que j'ai posé sur le front de mamie. Kevin, tu lâches ton arme immédiatement! Oh, espèce de sac à merde, tu vas lâcher le fusil! Ça va pas ou quoi? Tu vas pas tirer sur ta grand-mère parce qu'elle a pas voulu te donner le gâteau! Mais maman, je t'ai vu faire ça sur papa l'autre jour! Espèce de sac à merde, espèce de gamin débile mental, tu vas lâcher ton fusil! Sinon, je te débloque quand même, impliquer un gamin de fou! Espèce de gamin de cinglé! Gamin de cinglé, mais je suis ton fils, donc si on te suit à cette logique... Tu vas lâcher ton fusil, parce que c'est moi qui vais tirer dessus. Comme ça, tu seras reine mort et j'aurai la paix du bonheur. J'en peux plus de toi, gros sac à merde. Je suis au bout, je suis au bord du rouleau, je suis en crise de nerfs, je suis en dépression nerveuse. T'arrêtes tes conneries, t'aurais dû jamais venir au monde, sac à merde, t'es qu'une erreur de la nature. Non, maman, moi je t'aime, je lâcherai pas ce fusil de grand-mère. Non. Oui. C'est marqué. Le fusil de la tête à grand-mère. De la tête à grand-mère. Espèce de sale déchet public, tu vas lâcher ton fusil parce que je te chope pas le callback. Je te fous mon poing dans la gueule. Tu vas voir à quel point que je me chauffe, gamin débile. Mamounette d'amour, je peux placer un mot? T'aurais dû jamais venir au monde, sac à merde. T'es qu'une erreur de la nature. J'aurais dû t'abandonner sur l'autoroute. Espèce de gros déchet public, grand. Espèce de sac à merde. Maman, t'arrêtes tes conneries, tu ouvres ton fusil. Parce que c'est moi qui vais tirer dessus. Maman, c'est un comme fond. Ça, tu seras reine mort. Et j'aurai la paix du bonheur. J'en peux plus, toi, gamin débile. Je suis à bout, je t'ai jamais aimé. Et je t'aimerai jamais, sac à merde. T'es qu'une erreur de la nature. Ah, c'est bien lâché en oh, tout cas. Oh purée, ça fait. Eh, je me sens pas bien là, elle m'a fait. Qu'est-ce que... Là, j'ai eu un coup de pression là. Sinon, oh. Tout le monde va bien, vous passez un agréable moment, c'est très bien. Oui, c'est parfait. Mais je pense que. T'aurais peut-être dû faire une voix d'enfant encore plus jeune. Encore que je. Ben oui, je sais pas. En fait, je découvrais. Je m'attendais pas, je m'étais dit quoi, c'est un ado. Vous savez quoi, on refera la semaine prochaine. Ok. Ça a bien marché. Enfin. Ok, ouais, ça y est, je vais travailler la voix du petit garçon. Ben non, d'accord. Je vais encore devoir me prendre tout ça dans la gueule. En tout cas, moi je trouve que ces deux TikTokeuses différentes là qu'on a eues. C'est vrai? Ouais, on dirait pas, mais elles sont vraiment différentes. Ah non. Ok. Elodie, elle a quand même l'art d'inventer des situations magnifiques. Jeu de terre en français, je joue la maman qui surprend son garçon en train d'essayer de foutre un coup de fusil sur sa grand-mère. Mais qui a ce scénario en tête? C'est juste Spielberg. Incroyable. Wow. Spielberg. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Une équipe bourrée de talents. De talents visuels. Mais comme ici c'est de la radio, c'est pas pratique. Mais enfin, c'est promis, ils vont faire de leur mieux à l'oral. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Maëva arrive dans le game là pour nous dire un petit peu ce qu'il faut regarder sur Netflix. Ça va éviter des disputes de couple, ça va éviter aussi plein de moments perdus. Moi, je peux passer une heure et demie à choisir un film. Oui. Là, je suis un cauchemar. Ouais, non, ça, c'est choisir et un film. Et en plus, je suis très sélect. Hein. Moi, il faut que ce soit un film français, de préférence dramatique. Sous-titré pour toi. Ah non, c'est français abruti. Ouais, ça changerait. Enfin, tu vas avoir les sous-titrages. Hein. Sale type. Et qu'il soit français, dramatique ou suspense, tension, on fait très bons films français maintenant de ce type. Et voilà, j'ai envie de bouffer de ça. Les films américains, ça m'intéresse moins. Donc forcément, ça réduit tellement le champ des possibilités que j'emmerde tout le monde. Et voilà, heureusement que Maëva est là pour tout nous dire. Ben oui, mais en fait, j'étais en train de réfléchir à ça parce que... Ben, ma séquence ne tient pas debout. Mais si, ben non, parce que j'ai rien à te proposer. Et en fait, ah bah non, mais non. Merci Maëva, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, mais salut. Si. Attends. Merci Maëva et continue comme ça. Mais pas du tout. Mais en fait, c'était un film. Ben, voilà, je dois faire une sélection. Si je vous dis tout ce qui sort en décembre 2023, je pense qu'on est encore là demain. Et il y en a justement un que je vais vite rechercher parce que je me suis dit ça allait pas plaire, mais à Jadoul sûrement si. C'était un film français. Voilà. Ah bah oui, ça on le veut. Mets-le à la queue, mais à la fin. Je l'ai mis à la fin. Bon. C'est vrai qu'en général, quand tu regardes un film, il y a tellement de films que tu sais, même si t'as le choix, tu sais même pas quoi regarder. Bah oui, et puis tellement qu'il y a du choix en fait. C'est peut-être même ça qui est compliqué, c'est de se dire. Bah franchement, pour le moment, je connais pas trop ça. Ah ouais? Je suis vraiment en mode, il n'y a rien. Et comme j'ai perdu mon compte Netflix et que je me suis greffé un nouveau compte Netflix parce que je suis une énorme pince, eh bien, j'ai perdu tout l'algorithme qui me connaissait un peu. Okay. Donc là, ça me recommande que des trucs que je regarderai jamais. Mais du coup, au mois de décembre, il y a quand même pas mal de trucs, pas mal de choses à dire. Parce qu'en plus des sorties de films et séries habituelles, mais il y a eu un grand nombre de films de Noël. Alors forcément. Ah, Noël. Oui. Le temps des cadeaux. Mais oui, forcément. Noël. Manqué. Hey, j'ai attendu, je pense, ouais. 11 mois oui, pour 11 le remettre. Mois. Ah purée, ça m'avait manqué, il y a que toi qui écoute ça. Oui. Donc voilà, décembre, c'est le mois de la magie de Noël. Et vu que la... Le temps des cadeaux. Et vu que la semaine prochaine, on sera officiellement pardon, entré dans cette période de fête. De Noël. Non. Le temps des cadeaux. J'ai décidé de faire mon petit classement en deux. Et donc la semaine prochaine, pour justement le nouveau, la nouvelle émission Noël, etc. C'est Noël, le temps des cadeaux. Vous aurez le droit à un petit top des meilleurs films de bip. De fête. De fête. De fête de neige. De Noël à regarder. C'est Noël. À regarder. Je ferai un petit mélange sur toutes les plateformes streaming, etc. Oui, comme ça, tout le monde trouvera. Non, ça, c'est la semaine prochaine. T'écoutes pas, tu fais le débile. Pour les films de. Je peux plus dire le nom. Le spécial film de Noël, c'est la semaine prochaine. Donc, en attendant pour ce mois de décembre, une fois qu'on enlève les histoires cucu, le Père Noël, les sapins, il nous reste quoi? On commence par les cinémas. Alors, j'ai hésité à le mettre dans le classement des films de Noël parce que c'est vraiment la période parfaite pour ce genre de film. C'est Wonka, le préquel du film Charlie et la chocolaterie. Waouh, ils vont en faire un préquel. Ah oui, ça va être génial. Ça racontera l'histoire donc, de Willy Wonka, l'extraordinaire inventeur magicien chocolatier. Mais quand il était jeune, toute son histoire, toute sa jeunesse. Ça, c'est top. Et il sera joué par Timothée Chalamet. Et ça sort le 13 décembre. Jadoul va nous inviter. Je le sens. On le va voir le faire tous ensemble. Ça va être ouais, le petit cadeau. Moi, je peux m'arranger pour vous trouver les places. Hein. Ah, bah, vous y allez avec oui, mais viens avec. C'est qui le distributeur? Viens avec, il faut qu'on y aille à 3. Ouais, ou à 4. Allez, on n'a pas beaucoup de temps dans la vie non plus. Hein. Toujours pour le cinéma, Aquaman 2 va sortir le 20 décembre. Donc c'est la suite du 1 forcément. Et on est un peu mitigé parce qu'on garde le même méchant. Donc c'est toujours Aquaman qui se bat contre Black Manta. Le même, il a toujours pas été vaincu, il revient. Et elle a toujours envie de venger son père. Moi j'ai appelé ma brosse à chiottes Aquaman. Ouais, je vous jure. Mais appelle ton fond des toilettes Black Manta parce qu'ils vont encore se battre tout un épisode. On passe sur Disney+, une série cette fois-ci sur Percy Jackson. Donc on a d'abord eu les livres, on a eu les films et maintenant on va avoir une série qui sortira le 20 décembre aussi. Ce sera Percy Jackson et les Olympiens. Par rapport ah oui, au cinéma, voilà mon petit rajout, excuse-moi. Pour toi spécialement, Jadoul, c'est le 6 qui sortira. Sous un seul, excuse-moi. C'est avec Gilles Lelouch. Ah oui, j'ai vu. Je sais pas si tu l'as vu, c'est un drame thriller. Et en fait, je l'avais enlevé parce que c'est un peu. Moi, je regarde les trucs un peu fun parce que voilà, on est à la radio, c'est ouais, fun. Moi, je suis un mais gros aigri, donc il me c'est le ce faut. Que tu m'as un peu. Mais c'est ce que tu m'as décrit, c'est français. C'est un drame, c'est thriller, ça tient en haleine. Donc pourquoi donc pas c'est le bon 6 pour décembre. Toi. Oui, bah ça va. À la fin, tout le monde meurt, tu peux y aller. Vas-y, tu peux regarder. Maintenant, je vais sur Netflix. Surtout au Pôle emploi. Sur Netflix, le 20 décembre, il va y avoir un film réalisé par Bradley Cooper qui est produit avec Scorsese et Spielberg. Donc, on a quand même du bon monde qui fait ça tous ensemble. Ah, c'est sérieux, ça. C'est Maestro. Voilà. Ça retrace l'histoire d'amour entre deux personnes qui ne se sont jamais quittées. Voilà. Déclaration d'amour à la vie. Okay. Ça peut être sympa, regarder en amoureux, etc. Et voilà, c'est tout. J'ai fait mon petit tour. Bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Hein. Ouais. On aura déjà une série des films et let's go. Rappelle-moi le truc de Gilles Lelouch, le nom, là, j'ai déjà oublié. Sous un seul. Voilà, sous un cil. Sous un seul. On a de quoi se faire plaisir et semaine prochaine, ce sera spécial. Noël. Noël. Noël. Psst, je vous passe l'info comme ça. On a déjà refait le générique pour Noël. Ça va tourner tout le mois prochain. On a tout. Il y a des paillettes, il y a des cloches partout. Ça va être génial. C'est le mois prochain, c'est-à-dire mercredi prochain. Jadoul, dès 20h sur KIF. Tous les mercredis dès 20h, c'est avec Jadoul. Dans la trappe sur KIF. X, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on vient de se rendre compte, il faut qu'on vous le raconte, qu'il ne m'a pas rentré les sons dans mon écran tactile. Donc là, en ce moment, j'ai celui de la semaine dernière, hein, si ça vous intéresse. Mais à vrai dire, j'ai même mon écran qui est planté. Hein, je ne sais même pas. Ah, mais c'est super ça. Ah, c'est magnifique, ouais, je ne sais rien faire là. C'est un problème technique ou c'est une excuse? Non, là, c'est vraiment. Tu peux regarder, les gars, je ne sais rien faire à part faire un gros carré. Moi, j'aimerais bien vous aider, mais je peux rien faire là. J'ai accès à rien là. Écoute, c'est pas grave, on va passer à la suite. Allons-y, on revient dessus après, de toute façon. Ça va être bien. Bah, allez, je vous propose qu'on fasse le FaceTime à la place. Alors, ça vous va aussi. Okay. Allez, on y va. Ça, c'est prêt, Kix? Ah, ça, c'est prêt. Les sons, ils y sont. Les sons, ils y sont. Et t'es sûr? Ah, je suis sûr et certain. Vraiment? Ah oui. Relis et pose tes yeux sur le truc des sons. Alors. Bon, allez, ok. Bébé, s'il te plaît, c'est l'heure du FaceTime. Oh là là. Vous allez jouer en trois manches. Kix va vous faire deviner des stars avec l'aide de trois indices sonores pour chacune de ses personnalités. Dans ceux-ci, ça peut être un bruitage, un extrait d'interview, ça peut paraître bizarre. Une musique, en clair ou en distordu. Soyez vigilants. Durant une même manche, ces trois sons peuvent former un rébut ou alors être tout à fait explicites. Réfléchissez à voix haute. Mais si vous pensez avoir la réponse, appuyez sur votre buzzer. Ah, ok. Bonne partie. Et que le meilleur gagne. C'est l'heure du FaceTime. À table FaceTime. Est-ce que tout le monde peut tester son buzzer? Oui. Ouais, bah allez, là, pour le coup, il y a Jadoul, Maeva qui joue. Ouais. Jadoul. Moi, je buzz. Parfait. Waouh. Yes. Parfait. Oh, cette fois-ci, j'ai pas réussi à trafiquer ton buzzer. Bah non. Pas de triche. J'ai anticipé, je viens avec mon propre buzzer maintenant. Et je vous à l'œil tous les deux, attention. Et hors de question que tu trafiques mon buzzer. Hein, hein. Ok. Merci. On y va. Le jeu de regard, t'as bien fusillé de regard. Bon, on commence avec la première personnalité. Ça vous dit? Oui. On est là pour ça. Premier indice. Non, je ne te pardonne pas, gros patapouf. Non seulement tu me prends pour un travelot octogénaire, mais en plus tu es sapé comme l'as de pique. Alors que Nicolas, mon petit Playmobil d'amour, lui était toujours impeccable. Alors je te le dis, gros patapouf, tu n'auras rien de moi, ni mon amour, ni mes milliards, ni ma virginité. Alors, une idée? Pas d'idée? Non, mais on aurait dit là. Vous voyez dans Tilt, le dessin animé Disney? J'adore la voix, moi. Je connais la chenille, là. On dirait une mon amie petite papillon. Vas-y, deuxième extrait. Bon, personne? Ok, alors deuxième extrait. Être la première femme à accéder à la chancellerie et se faire réélire. Ça, c'est facile. Ah. Non, personne ne... Tu sais, mais attendez. Vous voulez que je le remette? Ah oui, vous êtes perturbé entre vous. Oui, il y avait un petit problème avec mon buzzer et Jadoul a été gentil de venir me le réparer. Donc on n'était pas... Vas-y, alors remets-le. On remet le deuxième indice. Être la première femme à accéder à la chancellerie et se faire réélire. C'est facile. Oui. Oh, t'as trafiqué mon buzzer. Oh, mais attends, il s'est passé quoi? Attends, je réessaye. Mais... Non. Mais, ça bon, dit quoi? J'ai buzzer. Pas trop cool. L'autre con. Ah. Ça dit l'autre et con. Eh ben, Maeva. Oh non. Mais quoi? Ah, merci. Ah. Je disais Angela Merkel. Eh ben, c'est une très bonne réponse. Ça fait un point pour Jadoul pour commencer. Ah. T'avais la réponse, Maeva, non? Oui, après, quand tu l'as fait réécouter, mais j'ai pas buzzé à temps. Après, rien n'est perdu. Parce qu'il y a la deuxième personnalité qui arrive avec le premier indice. Ready? Where is the virgin? Alors, bon, une idée, pas je chante toujours ça avec mes amis, mais d'où ça vient? Where is the face? Un belge, forcément. Ah, là, c'est la personne même qui chante. Comme ça, je même pas ce qu'il chante. Ouais. Après, on s'en fiche de savoir si ça vient de qui, mais en tout cas, ce n'est pas cette chanson paillarde. Bah, vas-y, okay. Vas-y. Paillarde. Bon, attention, deuxième indice. Et le son est très bon. Oui, Maeva? Je vais me tromper. Il y en a plusieurs. Vas-y. C'est un des joueurs de foot. Il l'a fait au-dessus du balcon. Ah. C'est... Alors, soit. Attends. Ils sont plusieurs. C'est un des hasards. Soit tu le dis maintenant, ou soit si t'attends le troisième indice. De toute façon, je l'aurais pas. Mais non, je connais pas le foot. Moi, ah je oui, pense mais que peut-être c'était... que le troisième va t'aider. Non, allez, c'est bon, j'y vais. Je fonce. C'est Eden Hazard. C'est une très bonne réponse. Ça fait un partout. Bravo. Un pour Jadoul, un pour Maeva. Donc ça va se jouer là. Le troisième indice, bah, c'était. Voici des lancers de dés. À chaque fois que je les lance, on est tenté de penser que le résultat sera totalement le fruit du hasard. Bon, bah voilà. Un hasard et d'un hasard. Wow. Ah oui. J'aime bien ça. Ok. Attention. Dernière manche. C'est maintenant que tout va jouer. Ouais. Là, il faut se concentrer. Troisième personnalité, premier indice. Si son visage vous est inconnu, écoutez bien cette voix. Bien sûr. Vous avez enfin trouvé un courtier à Wall Street en qui avoir. Ouais, Maëva a trouvé. C'était très rapide. Leonardo DiCaprio. C'est une très bonne réponse. Oui, c'était Jack, la voix. Jack Dawson. C'est ça. Dans Titanic. On a les autres indices. L'un des acteurs les plus prisés à Hollywood et à chaque film, il nous livre de sacrées performances. Voilà, et puis. Évidemment, la musique de Titanic. Pas terrible. Moi, je préfère ma version. Mais là, c'est toi qui joues. Oui. Ça me semblait bien. Et je n'ai pas, comme vous le constatez, la flûte dans ma bouche. Non. Allez, ça fait une très belle victoire de Maëva, bravo. Waouh. Oh, arrête, je gagne jamais au FaceTime. Laisse-moi savourer mon bonheur. Dans un instant dans l'émission. On aura enfin l'interview brutale avec Wiggs, influenceur bruxellois. Et on va retrouver le hockey boomer de Maëva. Attention, hein, t'auras la lourde responsabilité d'être la dernière séquence de la première heure. Ah bon? Ah oui. D'habitude, on finit avec le FaceTime, mais comme on l'a fait en avance, tout le poids est sur tes épaules. Ah, wow. Elle penche, elle plie, elles vont céder. Oh là. Jadoul, dès 20h sur KIF. Écoutez ma belle voix, suave et envoûtante. Profitez-en, parce que Jadoul est de retour, et croyez-moi, lui, c'est tout l'inverse. Waouh! Dès 20h, c'est la trappe. Oui, oh oui, on va se calmer dans les bruitages, merci. Oh là là. Maëva, attention. Oui. On compte sur toi. C'est l'heure de notre séquence tant attendue que tout le monde nous arrache dans les médias, le. Okay. Et non le. Funky Music Show. Qui n'a absolument rien à voir avec le. Okay. Allez, on y va. Attention, Maëva, on parle de quoi? D'une nouvelle tendance make-up effrayante sur TikTok, le Uncanny Valley. Mais non, non, non, j'ai un autre son. Ah, bah vas-y. T'as déjà entendu ça? Non, pas du tout. Quand tu scrolles sur TikTok, c'est flippant quand tu commences à entendre ça. Oui, la musique est très flippante, oui. Waouh. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Alors, de base... Attends, laisse-nous savourer. Non mais là les TikTok sont finis à ce moment-là. Une soupe au poireau. Vraiment un boomer, Jadoul. That's life. C'est un peu dur quand même. D'accord, je connaissais pas. En gros, c'est une tendance, une nouvelle tendance, la Uncanny Valley, qui consiste à se maquiller pour ressembler à un robot, mais en fait à se tirer les traits vraiment noirs et puis se foutre dans le noir et se filmer comme ça en faisant un sourire un peu comme si on n'était pas humain. C'est horrible. Et alors, je me suis dit, et alors ça a déjà généré plus de 100 millions de vues. Enfin, il y a vraiment, moi je scroll, j'ai que ça parce que j'ai tendance à aimer les trucs un peu make-up flippants, etc. Et donc du coup, ça s'est pas encore lavé depuis Halloween, mais pour toi sur TikTok, donc j'ai que des trucs flippant. Et je me suis dit, ça vient de quoi? Ça vient d'un film. Et en fait, c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler, parce que je trouvais ça un peu fou. Ça vient d'une théorie qui date des années 1970. Donc ça s'appelle la Uncanny Valley Theory. On dirait cannibalisme à chaque fois. Ouais. Ça fait non, tellement Uncanny Valley. Donc ça va la vallée de l'étrange. Et la vallée du chien carnin. Ça a été présenté par le roboticien japonais Masashiro Mori. Oh là là, mais Masashiro dans Mori. Des trucs. Mais non, mais je dis son nom, dans les années 70. Et en fait, c'est l'appréhension et le malaise quand on a un robot qui ressemble trop à l'être humain. Ah, ça, ça m'angoisse. Plus il est humanoïde, en fait, plus il est réaliste, et plus ça te donne un espèce de malaise. Et en fait, là, cette trend TikTok, le but, en fait, avec ce maquillage un petit peu, au final, qui force les traits humains, c'est juste de faire flipper, de plonger dans cette sensation de mal à l'aise, ah oui. Alors qu'il ressemble à un humain. Tu sais que j'ai eu un truc bizarre, j'avais posé genre une casquette, un manteau et une casserole ou je sais pas quoi dans ma cuisine. Et du coin de l'œil, j'ai cru que c'était un humain. Ouais, qu'il y avait quelqu'un. Et alors, tu sais, la forme, la combinaison des trucs, moi, m'ont fait flipper. Et d'un coup, tu sais, j'étais en train de manger, je fais. Et bien, tu as ressenti la Uncanny Valley Theory, si on veut être exact. Et donc voilà, c'est surtout mis sur les robots. Donc en fait, quand on a ce genre de trend, c'est juste qu'ils essayent de ressembler au robot le plus réaliste possible. Et voilà, je trouvais ça juste trop fun qu'une tendance maintenant, en 2023, faite par des jeunes, ça vient d'une théorie des années 70. Il n'y a rien de dangereux. Non, pas du tout. C'est juste un maquillage qui fait peur. Ouais, ok, d'accord. Remets-moi le son, Kix, un petit peu. Voilà, tu les vois se maquiller. Et puis quand va y avoir le boom, ils éteignent la lumière et là ils font peur. Et ils sont immobiles et ils te regardent avec un petit sourire en te fixant comme ça. Ouais, je vois bien le trend. Tu vois la trend. Ouais, ouais. Franchement, c'est fun. Voilà. Vous savez quoi, cette musique me fait penser à ça. Pas du tout. Jadoul s'en jaille, il est en train de danser dans le studio. Si je me mets pas un coup de pelle, j'arriverai jamais à me calmer, moi. Reprends ton souffle, Jadoul. Ok, personne n'aime bien ma musique, alors qu'elle fait moins peur que la vôtre. Hein. Je dis ça, je dis rien. D'ici quelques minutes, c'est l'interview brutale tant attendue. Eh oui, suspense. Ça va, ça tu te démerdes avec là, la technique. Écoute, ça a l'air de fonctionner. Le PC semble vouloir accepter mes manipulations. Donc. Parce que Kix, il a vraiment pas de chance. Son ordi plante, son ordi distant plante. Et ses doigts moites qui ont fait ça. Et ses doigts moites et boudinés collent enfin, et font. Mais je ne vous permets pas. Ça, c'est mon ordinateur actuellement. C'est les gens dans ta tête. Ouais. Maeva sonorisation. Toujours disponible pour vos événements. Avec son frère qui est aussi son cousin. DJ FLP. Au numéro d'appel 04. Non. Je le connais même pas par cœur. Bah, ce serait dommage de le faire à l'antenne. Et il va se prendre des blagues en plus, ouais. Ah, ce serait drôle. Ce serait pas des contrats sérieux, je pense. Allô, est-ce qu'on pourrait avoir l'ambiance, vous savez, celle qui fait Nigomania Mania. Est-ce qu'il y aura votre fille, enfin votre cousine, mais qui est votre sœur aussi. Quelle réputation on lui fait. Oh là. Dès 20h, c'est La Trappe sur KIF. La Trappe, tous les mercredis dès 20h. Oh, yeah. Avec Jadoul. Jadoul sur KIF. La meuf, elle est dans son salon, elle est comme ça. Oh, ah. Non. Doja Cat, elle a atteint un record de streaming sur Spotify. Ah oui, à seulement ça, 27 ans. Ouais, c'est grâce ça, à c'est son ça. album Scarlett. Scarlett. Ouais, bon, on n'est pas là pour faire de la pub ni pour Scarlett, ni pour les plateformes de streaming audio. Monsieur Brut, ça vous grandit. Eh bien, qui c'est ce monsieur Brut? C'est qui le monsieur Brut? Bah, c'est Oogie. Oogie. Brut, c'est un média qui existe sur Internet, hein, un nouveau canal d'information, et nous, on garde leurs interviews, on prend que les réponses et on fait des questions qui sont censées être plus. Drôles. Ouais. Enfin, en théorie. Bon, après, on essaie de faire un truc sympathique. Mon équipe est très confiante. Waouh. Je ne sais pas quoi en penser. On se détend un petit peu. On y revient. On dit bonjour à notre bruxellois TikToker. Bonjour. Salut. Salut. Comment tu t'appelles? Hugo, je suis plus connu sous le nom de Woogies sur les internets. D'accord. Et que fais-tu comme concept de vidéo exactement? Je fais à manger des petites recettes très coquines. Ah d'accord. Et quel est ton défi du jour, coquin? Faire la recette parfaite pour aller mieux ce soir. On fait donc des pastas avec de l'enduia, qui est du coup une saucisse pimentée italienne. On peut la remplacer facilement par de la sobrasada, du chorizo à griller, merguez. Si vous êtes végétarien, par exemple, de la harissa, ça fonctionne très très bien. Oui, bah, okay. Ça fait quand même un sacré mélange. Je comprends mieux pourquoi t'es rouge du visage. Attendez, il a pas un peu bu avant de venir? Bah, on dirait en tout cas. Comme je suis quelqu'un de très professionnel, je suis en gueule de bois. Ah oui, bah voilà. C'est ah bah quand on saura tout. C'est bien, bah ok. C'est dit. Allez, on fait notre tour de table. La première phrase à compléter, c'est à ce moment-là où tu pleures. Ça va être sympa. Maeva. Quand après avoir été mis en liste d'attente pour acheter des places de concert, ils te disent qu'il n'y en a plus. C'est à ce moment-là où tu pleures. Mmh. Ouais. C'est horrible. Tu te connectes à l'heure de la mise en vente et tout. Et... C'est du très vrai. Quand tu ouvres tes factures. C'est à ce moment-là où tu pleures. Voilà. T'en as quasi pas, toi. Oh bah, et alors, t'en as pas, t'as un moment là. Moi, je suis quelqu'un du peuple, je parle pour tout le monde. T'es pas encore confronté à mes problèmes, toi. Hein. Je peux te dire, j'ai ouvert mes impôts. Bon, allez. Et alors quoi? Ça pique? Oui, ça pique. Ah bah là, c'est ce qu'il faut 12, 10 fois au-dessus de. Bref. Aïe. Allez. Parlons pas de sujet qui fâche, sinon je vais pleurer. Oh non. Deuxième question, Maeva. Les tangentes, les cosinus, les hypoténuses. un peu incompréhensible. Ouais, c'est vrai, ça. Toujours pas de dire ce que c'est. Oh, waouh, on a une longue carrière. Mais quoi, t'as dit? C'est des traumas qui me restent de mes maths fortes en secondaire. Je fais à manger. Chantal là-dessous, ivre, elle est... Un peu incompréhensible. Bah, même sans être ivre, en fait. Bon, le précédent coup de taser, c'était pour Maëva. Pourquoi? Pour la question 1. Bon. Et pour celle-ci, j'aurais choisi Maëva. Mais pourquoi celle d'avant? Les factures. J'avais oublié. Ok. Allez. Troisième question, Maëva. Petit, quand tu perdais tes parents dans un grand magasin. Tu peux te perdre, mais apprendre énormément de choses. C'est pas faux, ça. Ah, ça rappelle plein de souvenirs, tiens. Dans une chambre mal rangée. Tu peux te perdre, mais apprendre énormément de choses. C'est pas faux. La dernière, aucun ne sera brutalisé. Ah, bravo, vous avez été drôle sur la dernière. Merci. Ça allège, hein. Tu vois, il est venu l'interview brutale, bah voilà. Bah, c'est bon. Maintenant, tout le monde est détendu. Voilà, bah, ouais, on peut dormir maintenant. Allez, à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, c'est ton podcast. Ciao, à bientôt. Les 20h, c'est la trappe sur KIF. Allez, je dis bravo. Les 20h. Allez, deuxième heure. C'est la trappe. C'est Jadoul sur KIF. Présent. Présent. Je m'appelle pas Benjamin, mais j'ai le droit de le dire comme ça. Je m'en fous, je fais ce que je veux ici. On y va, on fait les inflops si ça vous tente. Oui, oui. Les infos qu'il fallait louper ces 7 derniers jours, résumées par l'équipe, c'est ce qu'on vous a concocté. On va parler d'un enfant de 3 ans. Première info, il a fait un tour de manège sur le tapis à bagages de l'aéroport de Santiago au Chili. Ah oui. Pas fallu y penser. Et puis quand t'es gamin, c'est ton rêve, ouais, en fait. C'est vrai que même moi j'ai. Ah, tu l'as fait? Non, non, mais j'ai toujours voulu. Enfin, si, j'ai déjà essayé de me mettre un petit peu à genoux dessus, mais je suis pas resté longtemps, quoi. Bah là, il a été capturé par les caméras de vidéosurveillance. On le voit se faufiler derrière le comptoir d'embarquement et bah kiffer sa vie sur le tapis de bagages. Wow. Imaginez la réaction quand même des parents en voyant leur enfant qui est sur le tapis des bagages. Ils vont dire. Ah ouais, c'est pas possible. Après, il va tomber dans la soute. Il va partir à Bali, ouais, au lieu de partir en Espagne. Et quand il arrivera en Espagne, ils lui diront simplement. Ouais, incroyable. Enfin, ils le diront en espagnol, du coup. Ouais. Tu l'as en espagnol, celui-là? Oui. Ah, c'est en italien. Désolé, c'est l'italien, pas... ça. Oh. Allez, retour chez nous en Flandre. De nombreux couples ont été informés du sexe incorrect de leur futur bébé. Pris au dépourvu, certains parents avaient déjà fait leurs achats de vêtements en prévision de leurs nouveaux enfants. Bah, sauf que. Ouais, ok, du coup, c'était pas le bon, bon sexe. Il n'y a pas de couleur pour les vêtements déjà. Oh là là! Par rapport au sexe. Oh, saut 2023! Oh là, non, il n'y a pas de couleur, mais imagine s'ils achètent une robe. Ah oui! Ah là oui! Bon. Tu vois, il y a. Ben, Harry Styles, il porte des robes. Oui, je comprends peut-être mieux pourquoi est-ce que je jouais avec des Barbies quand j'étais petit. Ah. Ils étaient pas au courant du bon sexe. Attends, la Flandre va bientôt appeler ta maman et ton papa. T'es trompé pour le petit Jadoul. Non mais imaginez, mais c'est incroyable. Waouh. D'ailleurs, bonne nouvelle, je suis papa d'une petite fille. Elle s'appelle Vincent. Oui, j'ai appris le sexe de mon enfant qu'après avoir déposé le prénom à ma commune. Donc bon bah tant pis, hein, ça restera comme ça. Bah, moi j'ai pas le son. Moi je l'ai pas, hein, je suis désolé. Ne fais pas de cadeaux. Vous vous dites, cette émission mériterait une petite répétition. Oui. Oui. Mais non. Mais non. Pourquoi faire? Troisième et dernière info. À Nébian, c'est une commune française. 101 participants ont bravé un défi, courir 3,2 km avec un dénivelé positif de 100 mètres, vêtus uniquement de slip. Wow. Dans des conditions glaciales. Quelle horreur. Déjà rien que là je suis frileux alors. La température n'était que de 2 degrés. Moi, même avec 35 degrés, ça ne m'arrange pas visuellement. Dites-vous que ce petit départ par 2 degrés en matinée avec tous ces mecs en slip, ils devaient pas faire le malin. Et là, je pense qu'ils ont regardé chacun leur paquet en se disant. La vie ne fait pas de cadeaux. Ouais, c'est vrai. Et puis dans l'eau, t'en avais un qui bombait le torse avec un paquet comme ça et qui disait. Ça ne s'arrêtait jamais. Merci de nous avoir choisi d'ici quelques minutes. Il est temps qu'on rejoigne le Fallait nous le dire plus tôt. On va déjà vous donner l'intitulé maintenant. Now! Doing that now! Bon, il va falloir que je me fasse comprendre parce que Jadoul ne veut encore rien comprendre et tout déformer. Quand on... Ce soir, c'est Jadoul qui pilote. Merci qu'il nous a rajouté une couche. Donc vous êtes bien attentifs. Mais oui. Jadoul, tu ne touches plus à rien. D'accord. Et tu m'écoutes. Pareil. Quand on parle d'un groupe de loups, on appelle ça une meute. Oui, une meute de loups. Et comment on appelle un groupe de hiboux? Bah, une hiboute. Une meute d'hiboux. Non. Une hibrotation. Non. Et j'ai aussi pour les macaques et les phoques. C'est pas le même, c'est trois mots différents. Fuck. Mais on va commencer par hibou. Un groupe d'hibou, ça s'appelle comment? Comment s'appelle un groupe d'hibou? Soufflez-moi la réponse. Pour les loups, une meute. Pour les hibou. Enfin, non, pas les hibou. Pour les hibou. Bah, ça m'excite un peu quand une tu t'embrouilles eute. Comme ça et que tu dis n'importe quoi. Mais non, mais parce quoi. Que j'ai fait une mauvaise liaison. Ah ouais? Eute. Les hibou. Les hibou. Les hibou. Se disent les hibou. Ah, continue. Ah ouais. Elle est partie là. Elle nous fait ça. J'adore. Les effets micro, c'est ma passion. Ah, c'est vrai? J'adore ça. Mais déjà l'autre fois, quand t'avais mis le truc, la confession intime, c'était excellent. Mais alors celui-là aussi, je l'adore. Est-ce que tu peux essayer de aguicher notre auditorium pour qu'il reste au moins jusqu'à la fin de l'émission, c'est-à-dire une petite heure? Mesdames et messieurs, nous allons continuer le plaisir pendant encore une petite heure. Alors restez avec nous. Waouh. Je ne suis pas indifférent à tout ce qui vient de se passer et je n'ai qu'une réaction. Non, fais attention à ce que tu fais, Jadoul. Je bande. Oh. Ah, Jadoul. C'est la trappe sur KIF. Jadoul et son équipe dès 20h sur Radio Falminioul. Non, je déconne, ça va. On est bien sur KIF ici. Elle a mon sperme dans le gosier. Bah dites donc. Dès 20h, c'est la trappe. De la tenue, on a dit. On a fait une petite réunion de groupe et j'avais dit on supprime celui-là. Mais on peut pas le supprimer. Si. J'avais dit non. Ça fait partie. J'avais dit stop. Des playlists. J'avais dit que mon petit frère, il nous écoutait parfois. En podcast, parce que si on tape Jadoul, la trappe, oui. Et nous, l'inverse, la trappe dans Jadoul. Sur toutes les plateformes de podcast, on peut retrouver. Voilà. Bravo. Comme mon petit frère. Eh ben, censuré, hein. Elle commence à avoir un petit peu de bouteille en radio. Ouais. Ça vient, mais progressivement. C'est-à-dire que. Là, on adapte les bafouilles d'abord. Après, maintenant, vous voyez, l'auto-promo commence à arriver. Yes. Et bientôt, elle va travailler au CSA. Oh là là. Maëva ? Oui. Je te propose qu'on passe à ta séquence. Exactement. Donc, la question. Je remets dans le contexte. Quand on a un groupe de loups, on appelle ça une meute. Et quand on a un groupe de hiboux, on appelle ça comment ? Est-ce que tu peux nous faire le cri du loup ? Aouh ! Merci. Ah oui. On y était. Là, on était quelque chose là. Wow. Ah, et le cri du hibou. Hibou. Ah, pas mal. On n'est pas loin. Eh ben. Attends, parce qu'après il y a celui du macaque et du phoque. Allez. Ouais, bah attends, on y est pas encore. D'abord, donc le groupe de hibou. Personne n'a d'idée. Jusqu'ici sur. Sur mon Insta Jadoul, pas grand chose qui concerne ça. Dégoûtant, vous êtes des porcs. Non, pas les porcs, les hiboux. Ah oui, pardon. Un groupe de hiboux. Une hiboutèque. Je vous donne celui-là et peut-être ça vous aidera pour ceux d'après. Allez, vas-y, donne-nous la réponse, balance. Donc, un groupe de hiboux, ça s'appelle un parlement. Un parlement. Ah oui, bah alors là, comment tu Européen. Trouves ça? Non, mais c'est super marrant. Maintenant, on va faire le même pour les macaques. Un groupe de macaques, ça s'appelle comment? Ah, donc là, on relance l'énigme. Oui. C'est pas une meute de macaques, c'est pas un parlement de macaques, c'est... Un macaque, ça dit peut-être rien aux gens, mais on va faire le cri du macaque tout de suite. Bah allez, attends, le macaque, il fait pas... Je sais pas faire le macaque, ça se C'est peut-être un macaque à deux, non? Oula, ça c'est un corbeau ça. Ou une femme en détresse. Ouais. Là, il faut vraiment qu'on aille la secourir parce que j'ai vraiment de la peine. Du coup, vous savez pas un groupe de macaques. Une macaquerie? Non. Une assemblée. C'est la réponse. C'est une assemblée. Enfin, ouais, mais tu sais, moi, j'hésite à dire des trucs comme ça, mais après, pas qu'on pense que ce soit en mais rapport si. Avec la politique et qu'on. Mais c'est ça qui est marrant. Tu vois, l'assemblée. Attends, l'assemblée avant c'était. Avant, c'était un parlement. Parlement, assemblée. Et maintenant, un groupe de phoques. Ah, oh là là, il y en a c'est, plein. Je te dis que j'en avais trois. Oh, ça va, j'ai pas suivi. Un groupe de phoques. C'est pas une meute, c'est pas une assemblée, c'est pas un parlement. Attends, le cri du phoque. La réunion. Attends, parce que faut de la gestuelle avec elle. Oh là là, il y a une gestuelle. Oh, dommage qu'on n'a pas les images. Hein. Allez, donc là, elle est en train de sortir ses épaules de son pull. Elle va faire le phoque à tout moment. Et moi, mais je fais. Non, non, regarde tes vêtements. Et moi, je fais la peau qui touche contre le sol. Ouais. Ah ouais, pas mal. Non, attention. Moi, j'ai dit... Super production. On y va. Le phoque en direct. Non, attendez. Les Anglais qui nous rejoignent. L'animal, le phoque. The fuck in life. Non, arrête. Non, bah non. Oh. On va encore avoir des problèmes avec tout ça. Bon, qu'est-ce qu'on disait là? Je sais plus. Je pense. Non. Non, mais non. Oh, c'est pas ce qu'on avait dit. Allez, le phoque. 3, 4, tout le monde y va. C'était le plus réussi. Hein. Ouais, franchement, là, il y a eu des moyens. Bon, bon c'est pas. Vas-y. Un groupe de phoques, ça s'appelle une échourie. Et une échourie. Mais ça vient d'où ces mots-là? Mais voilà, c'est des mots de la langue française que vous ne connaissez pas. Maintenant, vous les savez. Eh bah, ben, dormir moins belle. Ah, voilà. Exactement. On apprend des choses. Les grosses têtes continuent. Mais c'est le principe de la séquence, fallait le dire plus tôt. Ah, c'est vrai, ouais. Mais oui. Bien vu. Bah, tu peux revenir la semaine prochaine. Avec plaisir. Ah, bah, super. Dès 20h, c'est la trappe sur KIF. Le personnel médical qui encadre les gens de cette émission vous informe que l'état des patients n'a pas évolué. Hey, les médecins démissionnent. Non, on veut pas. Ces fous sont libérés 2 heures pour l'antenne. Ce n'est pas acceptable. Dès 20h, Jadoul et son équipe dans la trappe. Je comprends pas que je redoute de plus en plus ce moment, mais pourtant il faut bien y passer. Comme toutes les semaines, Monique nous fait l'accordéon, c'est gentil, on la remercie. Et Jean-Michel, notre grand ami, teneur d'un bistrot depuis cette saison, nous donne de ses nouvelles et nous témoigne de ce qu'il entend comme conversation à son bar. Bon, je ne sais pas si c'est les garçons de café les gens les plus fiables de la Terre en termes d'infos, mais on embrasse tous les gens de l'Oreca qui nous écoutent. Et Jean-Michel, je pense, n'est pas un exemple en la matière. On va juste attendre qu'il nous rejoigne, qu'il allume son micro, qu'il rentre en connexion avec nous. C'est quand il veut. Ah oh, bonsoir, oh, oh, oh. On dirait qu'il met le micro dans un lave-vaisselle, quoi. Ah, oh, je suis dans le lave-vaisselle actuellement. Bah, sortez du lave-vaisselle. Ah, oh, pardon. Ah, c'est quand même beaucoup mieux comme ça. On s'entend un peu parler. Non, je suis un peu trempé des cheveux maintenant. Ah oui, il vous reste des cheveux, j'ai bavé. Oh oui, il reste pas beaucoup, je suis un peu dégarni, c'est vrai, c'est vrai. Bon, vous allez bien, vous êtes en forme? Ah bah bien sûr que je vais bien, mon cher. Ah, je suis autant en forme qu'une abeille qui butine. Ah waouh. Oh. Bon, je suis pas sûr de l'expression, mais bon. C'est une jolie expression, c'est bien comme expression, ouais. Jean-Michel. Hein. Ah bah oui, je sais bien, elle est de moi. Alors que toi, mon Jean-Doul, tu es l'abeille qui butine mes infos. Alors je vais te les donner. Oh, c'est beau finalement. T'as vu? Ah, je deviens poète. Il est poète, Jean-Michel. J'ai entendu dire qu'un Américain devait être opéré de l'appendicite. Mais les chirurgiens se sont trompés et lui ont retiré une partie de Christophe Colomb. Waouh. Ah oui. Enlever une partie du colon, vous voulez dire, parce que Christophe Colomb, c'est un explorateur, ça n'a rien à voir. Ah oui? Ah bah oui, bah je me disais bien aussi que ça me paraissait un peu bizarre d'appeler son colon Christophe. Bon, ça aurait pu se faire, hein. Non. Ça fait un peu penser à une ancienne opération. Enfin, bah, je vais tout vous expliquer en musique. Nous sommes en 1978, je me rappellerai toujours de cette année. Année où je devais me faire opérer de mes genoux. Mais à la place, on m'a greffé un foie. Oui, vous avez bien entendu, greffé un deuxième foie. Par erreur. Depuis, je bois plus de bière que demander de plus. La chance ne fait que me sourire. Un gros ivre mieux rempli d'alcool. Quel enfer cette musique, arrêtez Jean-Michel. Vraiment là c'est plus. Non mais autant il y avait des fois où ça allait, mais là les chansons c'est de bien remplir, c'est à côté, c'est, je voudrais où hein, micro. On m'entend, c'est bon. Oui, vous êtes. Alors, ça y est, vous avez un deuxième fois Jean-Michel. Vous nous aviez jamais parlé de cette opération. Oui c'est vrai, mais je m'en suis rappelé grâce à cette info. Et c'est grâce à cela que je peux boire deux fois plus et je tiens plus que quiconque à l'alcool. C'est pas fabuleux, ça mon Jean-Doul. Est-ce que vous pouvez arrêter de crier, Jean-Michel, s'il vous plaît? Mais je ne le fais pas exprès, je deviens un peu sourd des chauffeurs. Oui, mais hein. Montez votre casque, j'en sais rien. Je vais essayer de facter, comme ça, ça va. Déjà que la liaison est compliquée, oui, c'est bien comme ça. Bon, je vous rappelle juste que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et tout ça reste très mauvais pour vous malgré toutes les opérations. Oui, mais enfin, je me sens un peu comme les vaches qui ont 7 cœurs ou les fourmis qui ont 1000 pattes. Eh bien, moi, j'ai 2 fois. Jean-Michel, petite rectification. Les vaches ont 7 estomacs et n'ont pas 7 cœurs. Et une fourmi qui a 1000 pattes, ça n'existe pas. Ah bon ? On appelle ça tout simplement un 1000 pattes, c'est pas une fourmi. Ah oui, c'est pas faux ça, c'est vrai. En tout cas, merci pour ces informations. Les médecins auraient mieux fait de vous rajouter une petite greffe de cerveau. Bah, je vous entends. Ça va être un peu mieux aussi. Ah. Je suis toujours là, je vous entends me critiquer. Ouais, ouais. Attention, bon, hein. Et vous savez quoi ? Hop là. Et il est plus là, Jean-Michel. Oh, c'est quand même beaucoup plus facile comme ça. Ah, Jean-Michel sera de retour la semaine prochaine. Enfin, je sais qu'il nous a aussi prévu des surprises pour ce mois de fête. Ah oui. Donc, je ne sais pas dans quelles conditions on va retrouver Jean-Michel. Je ne sais pas si ce sera toujours depuis son bar. En plus, elle est faite, alors à mon avis, il va être encore pire. Je crains. Déjà que le marché de Noël l'an dernier, à cette même période, ça nous avait coûté beaucoup. Oh là là. Un carnage. Ça fait des dégâts. Le problème, c'est qu'à cette époque, pardon, il venait en vrai. Donc, il fallait en plus le sortir du studio après. C'était horrible. Mais il fallait le pousser, il fallait mettre des barrières. Il y avait l'odeur. Bizarrement, c'était toujours à côté de moi qui s'asseyait. Parce que t'es une belle poulette. Petite poulette. Ouais. Comme il aurait dit, elle est toute belle. Voilà, c'est ça aussi. Ah, merci de nous avoir choisi encore ce soir. Malgré ces séquences-là, ne vous inquiétez pas, il y a du bon qui arrive dans quelques minutes. Dès 20h, c'est la trappe sur KIF. Attention, selon la science et quelques prédictions savantes, maintenant, Kix risque de faire une séquence en français et sans bafouiller. Non, je déconne. Dès 20h, Jadoul et son équipe dans la trappe. Qu'est-ce qu'il y a, Kix? Tu me fais des grands signes, t'es pas foutu de me dire dans mon casque qu'est-ce qui te tracasse? Je ne fais pas de séquence. Mais non, mais c'est des jingles aléatoires. Oh là là, c'est pas parce que ça parle de toi que ça va être toi la star, merde. Oui, mais il a. Je me suis dit, sinon, pour faire un FaceTime si vous voulez. Hein. Non, il a envie de briller. Je veux briller. Tais-toi. J'adore. Ah, le salaud. Venez me sauver, vous qui m'écoutez. Venez me sauver. Oh là là. Bon, est-ce qu'on peut remettre un peu d'ambiance ici, s'il vous plaît? Oui, hein. Allez, qu'est-ce que. Allez, Maëva, t'as parlé de faire un chrono quiz? Ah, c'est vrai. Moi, j'aime bien les chrono quiz. Allez, petit générique pour se mettre dans l'ambiance. C'est parti. Come on, wake up, let's go. Prêt pour le compte à rebours? 5, 4. C'est ça parce que je n'étais pas prêt. 2, 1, ignition. Toujours pas prêt. Attention, je vise. Attends. Non mais arrête avec tes conneries. Je te tire dessus, Jadoul. Ah là là, bon tant pis, je vais mettre ça. Hop là, c'est pas ça le truc du. Bon, je m'en fous. Oh, ça paraît grave. Mais c'est pas ça, ça doit être comique un chrono quiz. Comique. Comique. Pour rigoler. Pour rigoler, mais viens. Ok, j'ai compris, on veut de la gaudriole. Yes, yes. Allez, vendu. Ah, je prends le chrono quiz. Ah là là là. Tu peux pas t'empêcher de dandiner sur cette musique. Bah c'est vrai hein. C'est communicatif. Une question de bon sens. Merci Maïté. On y va. Je rappelle le principe. Vous avez un chronomètre de 5 secondes. Oui. Yes. Et il faut répondre 3 choses nanana. Bref, vous allez faire le premier, l'équipe. Et vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Et je pense que les gens vont pouvoir jouer avec nous. Merci Kix. Mais c'est pas moi. L'écran tactile c'est Maïté. Oui mais Maïté elle va fermer sa gueule jusqu'au blindclet hein. C'est Maïté du blindclet. Maïté du chrono quiz. Bah justement Kix t'as bien fait de l'ouvrir. Trois manières de tuer son boss. Avec une pelle, avec un bic dans l'œil. Et on lui lance une chaise. tous les bics et toutes les chaises sont confisquées. Ouais. Pour ça, il a été vite. Hein. Bah écoute, là tu m'as chauffé. Alors. Maëva, trois manières d'annoncer à un enfant que son animal est mort. Il est parti dans les nuages, il est parti dans une ferme et il est chez Mickey. Tout juste, hein, sur le gong. Hein. Mais moi ça m'est vraiment arrivé, il est chez Mickey. Hein. C'était quoi je suis persuadée que Chico est encore. L'attraction Pirates des Caraïbes, il y a Chico pour moi, c'est sûr et certain. Attends, je comprends pas. Il faut que tu nous expliques ce qui s'est passé. Mes parents ont pas voulu me dire que Chico était mort. C'est qui Chico ? L'âne de mon papy. Ah, l'ex-fin, feu l'âne de mon papy. Et donc, vu que j'avais, je sais pas moi, 4, 5, 6 ans, j'étais quand même vieille, comment j'ai pu gober ça ? J'avais 5, 6, 7 ans. Ils m'ont dit, mais non, mais t'inquiète, il est parti travailler chez Mickey, il est dans l'attraction des pirates. Et donc, du coup, après, on est allé chez Mickey, et dans l'attraction des pirates, ils m'ont dit, mais regarde, là, il y a un âne dans l'attraction des pirates, regarde là-bas, là, c'est Chico. Et j'étais là, genre, oh, Chico, comment ça va ? Et ça a duré très longtemps. Tout c'est pas va j'ai bien. Je sais qui c'est, mais je dirai rien. Voilà. Wow. Comme quoi, donc si l'animal meurt et que vous ne savez pas comment le dire à votre enfant, le coup de Mickey, je vous jure, ça marche. Écoute, j'ai encore de la place pour mercredi après-midi. Oui. Je pense que mercredi, non. Désolé. Tant pis. Merci Maëva, hein, c'est avec gentil. Plaisir. Tu nous as mis de l'ambiance là. Avec plaisir. Allez, on embrasse l'âne. Chico. Chico et les gypsies. Kix. Oui. Trois façons de faire comprendre à quelqu'un que tu ne l'aimes pas. Par message, écrire une petite lettre et physiquement, enfin parler oralement, je veux dire. Bon, ouais. Tout juste, hein, les deux. C'était... Par message et faire une lettre, c'est. C'est pas la même chose. Il y en a un, c'est numériquement, il y en a un, c'est par. Mais la question, c'était pas trois moyens de comprendre. Maëva, trois façons de comprendre une conversation à laquelle tu ne piges rien. Faire des sourires en hochant la tête. Faire des sourires, hocher la tête et demander quoi ? Quoi ? Quoi ? Hein ? Et la petite musique qui reprend calmement. Trois manières de répondre à sa meuf quand elle te dit j'ai grossi ? Non, tout va bien. Tu es toujours aussi jolie. Et ah, il en manque, hein ? Oui. Tout va bien. Non, tout va bien. J'y crois tellement à. Maëva, ça se voit, j'ai eu la pression là. Ouais. Oui. On s'en fait un connu. Allez. Trois Gérard connus. Gérard Jugnot, Gérard Depardieu et Gérard Lenormand. Wow. Eh ben, Gérard Depardieu. Eh bien, je pensais pas que t'allais réussir. Ah, c'est Gérald. Oh là là. Victoire de Maëva. Oh wow. Les 20h, c'est la trappe sur KIF. Si son poing a cassé l'écran tactile du studio, ce n'est pas un excès de colère. C'est la faute de l'écran qui s'est trop vite approché de lui, sans jouer le son que Jadoul tentait de diffuser. Jadoul, dès 20h, sur KIF. C'est le moment du mea culpa. Kix doit quand même avouer une petite confusion. Je l'ai avoué en direct, c'est vrai que c'est passé un peu inaperçu, sauf pour ceux qui... Le but du jeu, c'était cite-moi trois Gérard connus. Ouais. Kix a dit Gérard de Palmas. Ouais, mais je me suis rectifié directement. Ouais. Gérard de Palmas. Bah écoute, mais pourquoi pas, en fait. Ça lui va bien. De rajouter un L, Gérald. Gérard, il a une tête à boire du pinard. Gérald, c'est un peu plus classe. Hein. Et Gérald. Ouais. Oh là là, c'était gris tout. Du coup, Gérard de Palmas, écoute. Bon, vous savez quoi ? Il est temps qu'on rejoigne notre princesse, la meilleure d'entre nous. J'ai envie de dire la plus talentueuse, celle qui a tout à nous apprendre sur les réseaux sociaux, étant donné qu'elle est complètement une influenceuse, on peut le dire. La mère Alix ? Ouais. Coucou mes loulous. Coucou mon kiki d'amour. Ah, mais non. Non, ça c'était Jadoul. Non, madame... Tu peux dire à ta mère d'y aller parce que c'est pas elle, c'est Brittany qu'on appelle. Maman, veux-tu bien nous laisser on essaie de... Non, on essaye de faire du sérieux. Coucou. On est avec Gérard de Palmas ici. Tu es là ? Oui, je suis là, mais non. Allez, laisse-nous. Oui, bisous. Oui, bisous. Bisous, je t'aime. Oui, moi aussi je t'aime. Allez, bisous. Merci merci pour ce moment de gênance. Hein. Allez, on disait qu'on allait rejoindre Brittany. Qu'est-ce qu'il s'est passé dans sa semaine? On a envie de découvrir ses nouvelles stories. C'est notre influenceuse, exclusivité de cette émission. Bienvenue dans le petit monde de Brittany. Coucou mes nini, hein, c'est Brittany. Hein. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un haul de tous les achats que j'ai fait pendant le Black Friday. Allez. Parce que c'était la semaine dernière en fit. J'avais pas compris au début. Je pensais c'est un jour, il va faire tout noir toute la journée au Black Friday. Parce que grâce à Dora, je sais que black, ça veut dire noir. Et genre, j'avais chargé mon iPhone au max pour utiliser ma lampe de poche et tout. Mais en fit, c'est pas du tout ça. C'est un jour où il y a plein de promos, comme elle expliquait là, une vieille à la radio, j'ai entendu. Comme quoi, l'âge, ça fait pas le moine. On commence à l'heure d'aujourd'hui sans plus tarder. Hein. Déjà, j'ai trop craqué sur Shein. Genre, j'ai acheté des crop tops comme ça. Voilà, les petites robes aussi là. Et celle-là, paillettes pour Noël. Mamie, elle va pas s'en remettre en fait. Je pense que je vais devoir lui offrir pour Noël un réanimateur. Un réanimateur de télé ou de radio, lol. Bah oui, un réanimateur pour la ranimer. Sinon, toujours sur Shein, j'ai acheté ces magnifiques lunettes. On dirait des Dolce & Gabbana, en mode j'ai trop la moula, wesh. Après, c'est pas que pour me donner un style de grande star d'Hollywood comme Maeva Guénam, mais c'est aussi pour être plus intelligente. Parce que j'aimerais bien ne pas encore redoubler cette année en fait. Parce que moi, je pense à après, ouais. Ouais, je pense à mon avenir. Faut que je termine les secondaires pour faire des études sur les anges de la télé-réalité. Hein. Par contre, je comprends pas. J'espère j'ai fait une affaire. Sur un site je connaissais pas, il y avait mon fond de teint préféré à moins 90%. Genre, vous vous rendez compte de l'affaire en or? Mais par contre, le prix de base qui était barré, il était super cher. Que au final, ben, avec les moins 90%, ben, mon fond de teint, il était au prix que je paye d'habitude. Après, je pense que j'ai quand même eu énormément de chance, genre blindé. Parce que sinon, j'aurais, sans cette offre, j'aurais jamais pu le racheter, mon fond de teint, en fait. Ah oui, et toujours sur ce nouveau site que je vous conseille de trop, du coup, j'ai acheté des nouveaux gloss grâce à une offre. C'était 3 achetés et 3 reçus. Bah du coup en tout j'ai 3 glosses. Voilà mes nini, hein, c'était mon haul et toutes mes bonnes affaires que j'ai fait au Black Friday, hein. Vous me connaissez, hein. Je suis toujours à chercher les bons plans pour vous mes abonnés 7 jours sur 24. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour plus d'astuces beauté. Bisous et cœur avec les doigts. Ah bah heureusement qu'elle est là. Et 7 jours sur 24, franchement je trouve ça très fort. Ouais. 3 reçus, 3 ouais. Achetés. Elle est, c'est, franchement, il y a moyen de lui faire plaisir facilement. Elle va pas nous coûter très cher, écoute, à Noël. Ah mon Dieu. On l'embrasse. On l'embrasse sans tout. On veut pas tout savoir non plus, Jadoul. Quelle horreur. On a chose à ne pas dire. Bisous, Brittany, à très vite. Wow, Jadoul et son équipe dans la trappe. Seul. Ils ne savent pas articuler, ils n'ont pas un physique facile. Et ils parlent. Ils ne comprennent pas grand chose. Dans le fond du studio. Oui, ils ont toutes les qualités pour être dans. La trappe, avec Jadoul et son équipe sur KIF. Ah, oui, j'aime cette séquence. Vous ne la connaissez pas, c'est le perdu sur l'internet. Juste avant de faire notre Blanklet, le jeu des pires reprises de TikTok, je vous propose de découvrir un spécimen du web. Mais pour ça, il faut choisir l'un des 3 chemins qui s'offre à nous. Ok. Le premier, c'est Shumli, un youtubeur qui va nous parler du Game Pass Xbox Cloud. Okay. Comment il s'appelle? Shumli. À tes souhaits. Deuxième possibilité, elle s'appelle Janine. Elle a une chaîne sur l'horlogerie. Oh, ouais. Ça pourrait m'intéresser aussi, ouais. Ça. C'est vrai que. Et dernière proposition, nous avons Claudia, qui est à ce moment-là spécialisée dans les arbres généalogiques et paranormaux. Ça veut dire qu'elle va dans le ça, réel. C'est du lourd aussi, ça. Et dans le l'univers parallèle. Je dirais que ça, c'est un peu du lourd, donc ouais, pourquoi pas. Vraiment. Tu pars sur Claudia? Ouais. Non, moi je pars sur du simple et d'efficace, Janine. J'en ai une, je sais pas. Alors que Schtroumpfli, là, tu dis non? Ah, t'es souhaité. Oui, non, c'est vrai qu'il aurait pas pu annoncer, inventer un nom pareil. Bah. Allez, moi je vais sur le A. Schtroumpfli. Allez, bon, bah on vérifie tout de suite. Ah non. Ça, c'est le générique. Il est où? Oh, il est où? Il est là. Vous êtes perdu sur Internet. Effectivement, c'était Shumli. Bravo. Ah, bravo. Bravo. Félicitations. Ouais. Ah, il va nous parler du Xbox Cloud Game Pass sur TV sans Xbox. Alors, il a 51 abonnés, mais il a quand même 25 000 vues sur cette vidéo. Allez, on l'écoute. Salut les amis, comment ça va? Alors, on peut pas répondre parce que c'est une vidéo, je vous le rappelle. Ah, on va très bien, on a hâte de découvrir ta vidéo, Shumli. Oui, du coup, comment, par où commencer? Voilà, en fait, j'étais en train de dormir. Je viens de me réveiller, j'ai la tête dans le cul. Et j'ai fait un rêve. Oh. Ah waouh, wow. Ça commence fort. Je viens de me réveiller, j'ai la tête dans le cul. Allez, parle-nous de ce fameux rêve. J'ai rêvé du Game Pass. Tiens, on parle de Game Pass sur la télé, sans la Xbox, nanani, nanana. Mm-hmm. Avec le nouveau modèle Samsung, nanani, nanana. J'ai dit, oh, mon OLED C1 de chez LG, année 2021, je vous dis, il est récent, pourquoi pas essayer? Donc j'ai fait quoi? J'ai pris ma manette Xbox. Ah, c'est long. Alors déjà, pour commencer... l'équipe 21. Mais on s'en fout de l'équipe 21. S'il te plaît, poursuis tes explications. Du coup, après, je retourne dans mon menu de la télé. Je sais pas comment on veut, Smart, enfin bref. Du coup, là, vous voyez, vous avez un navigateur d'Internet. Je vais aller directement dessus. Là, comme vous pouvez constater... J'ai l'impression d'écouter Radio Falminoul avec tous les cris qu'il y a derrière. C'est quand même très bizarre. Waouh. Est-ce qu'on peut avancer un peu? Parce que là, c'est vraiment long. Alors, par contre, c'est un peu long. Oui, bah oui. Alors, j'ai la fibre, mais je suis en Wi-Fi. Qu'est-ce qu'il fait? Peut-être que c'est... ça a été un peu plus long. Il tourne cette vidéo sur une machine à laver avec des animaux autour. Enfin, je comprends pas, ça devient dégueulasse. Bon, allez, on continue. La manette est connectée. Et du coup, là, quand je fais ça, ça bouge. Comme vous pouvez voir, j'ai la télécommande dans cette main-là. On voit pas très bien ce que du coup. Voilà. Je suis désolé, la mise en scène est vraiment dégueulasse, mais on s'en bat les couilles. C'est honnête, hein, on peut le dire, 22h06. On s'en bat les couilles, allez go. Oh là là, ça devient dégueulasse. Hein. Le petit bémol, c'est comme vous pouvez constater en haut de l'écran, j'ai une petite barre. Alors, c'est peut-être le truc d'Internet. Alors, est-ce qu'on peut passer en mode plein écran? Mais on s'en fiche, j'ai ta TV, concentre-toi, s'il te plaît. Est-ce que ça m'a coupé? Ah, ça m'a coupé le... Ça m'a coupé. En gros... Oh, articule. T'es en train de me dire j'ai niqué ma vidéo, c'est ça? Ah bah t'étais déjà fait. J'ai niqué ma vidéo. J'ai niqué la vidéo. Du coup, c'est le direct, hein. Moi, y'a pas de montage. Mais non, mais non. Y'a pas de montage. Allez, on s'en fout, y'a rien du tout. Ouais. En tout cas, comme vous pouvez le constater, les amis, là j'appuie sur A. Bienvenue Bernard du 14. Ah, par contre. La poule! C'est rapide en fait la wifi sur. Ah, voilà, c'est fou. Xbox, c'est la vie, les mecs, c'est la vie. C'est ce qu'il y a de mieux. Merci. Et dire, je suis en train de jouer à la Xbox. On sent la passion. Xbox. C'est ouf, complètement dingue. Enfin bref, allez, à ciao! Bisous, bisous! C'était Choubli que vous avez découvert, un grand youtubeur qui mérite ses 51 abonnés. Mes amis, concentration! The Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. Le principe est très simple, Blanklet, c'est que des gens qui viennent de TikTok, qui sont approximatifs dans le champ. Et vous devez retrouver dans l'équipe titres, artistes, originaux. Voilà, ça c'est compliqué, mais il faut marquer des points. Et pour arbitrer tout ça... On maîtrise pas, je suis l'huissier du choix. Retour. Pour le petit Jadoul et toute son équipe. On maîtrise pas, la la la la la la. Je suis votre huissier et vous allez m'aimer toute la vie d'un. Jusqu'à la dernière goutte. Ah là, je l'ai mis en entier. J'ai même levé le curseur pour tenir. Ah, Maître Ispa, il est là. Attendez, on va l'accueillir. Je vais l'entrer. Bah oui, mettez-vous près du micro. C'est gentil, c'est bien gentil. Près du micro. Conchon, c'est ça. C'est trop près, ça. Je vais mettre en flèche. Allez, concentrez-vous. Vous prenez note des points. Maëva, t'es prête? Oui. Kix, tu es là? Ouais, je suis là. Non, je vous regarde. Je regarde Maëva jouer. Vas-y, Maëva. Non, par gagne. Hein. Allez, on y va. On se concentre. Premier son à découvrir. Titre artiste, je vous attends. Je connais pas. Tu connais, toi? C'est pas Martika, Martina, Marti. Presque. Mendissa, oui. Et Bam. Bonne réponse. Bravo, Maëva. Elle dit, je connais pas, mais. poitrine de Kix. Maman, je l'ai fait pour ça. La version de Jocelyne est pas mal. Et bam, dans la poitrine. A tué des gens. Maman, je l'ai fait pour ça. Imaginez-la avec un couteau de boucher. Me tue pas. Me tue pas. Arrêtez, elle a un petit grain de voix. Je veux ce cœur qui bat. Et bam, et bam. Bon, c'est bon. J'ai ma dose. On a compris. Là, pour le moment, c'est un point chacun. Non, bah non, j'ai rien dit, moi. Ah, bon, bah alors, un point pour Maëva. Maître Ispa nous fera le récap juste après la deuxième manche. Ah, t'es ancien, ça. Ouais. Ah. Michel Sardou ? Non. Maintenant qu'elle met plus son casque à fond, elle est moins talentueuse. Oui, mais je peux pas. Il y a une querelle sur les casques. Mon vieux, mon vieux. Oui, c'est le titre. C'est Michel... Ah, mais il l'a repris, Michel Sardou. Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. Je... Ah, purée. Je sais pas. Daniel Guichard. Dans son lieu, par-dessus râpé, il s'en allait. L'hiver, l'été. Ça peut me faire chialer, ça. Dans le petit matin, frileux. Ah ouais, tu pleures. J'adoule pleure en direct. Il y avait qu'un dimanche par semaine. Arrête, ils vont y croire. Moi, oui, c'est ça. Paulette qui m'a ému. Chérie, il n'y avait pas la télé. C'est là qu'on allait chercher. Oh, maîtrise pas, maîtrise pas. Oh bah c'est très bien, on continue sur cette lancée Maëva. Oui, oui, j'ai regardé mais Michel Sardou ne l'a pas repris. Tu fermes l'ordinateur, tout le monde ferme ses ordinateurs, tout le monde ferme son téléphone, je ne veux pas d'interférence, c'est vous et le jeu. Merci. Sinon après on va dire qu'on triche ici. Non, tu vas dire qu'on triche. Le public qui est ici voit qu'on triche. Ah. Allez, applaudissez pour montrer que vous êtes là. Ouais. Merci. Quasi crédible. Hein. Merci Kix. Troisième manche. J'espère que les sons vont être un peu plus joyeux là parce qu'on a enchaîné trois musiques qui sont pas fofolles là. Voici la troisième. Merci de votre écoute. Ah, c'était la fin. Mais non, on peut commencer par un merci. Sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons. Oui, quel est le titre ? Mais tu l'as mis à la fin. Oui, bah, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Et quoi, bon, hein. Merci de votre écoute. On a oublié de me mettre le début. Allez, tu l'as pas ? Non, c'est très difficile de commencer par la fin et de remonter. Oh là là ! Autant le début, je peux faire une accélération rapide dans ma tête, mais là... J'ai compris, on va aller te rechercher le début du son en non, last minute, pas... mais si. En rade. Quand on a que l'amour. Bah voilà, et tu comprends pourquoi ils l'ont pas mis. Hein. Quand on a que l'amour. Oh, c'est plus dynamique. Amour, toi et moi. Plus jouette. Pour qu'éclate de joie. Elle voit. Chaque heure et chaque jour. Vous avez vu Mentissa, Jacques Brel, des Belges. Quand on a que l'amour. Pour vivre nos promesses. On maîtrise pas, maîtrise pas. Ça fait 3 points pour Maëva. C'est parti, on continue. Avant-dernière manche, concentrez-vous. Je veux mourir. Oh là là. Dalida, moi je veux mourir. Spécial déprime. Ça fait pas déprime. Devant les projets. Ah, ça nous remet de la joie ça. Oui, je veux mourir sur scène. Allez, public. Le public solo. Sans la moindre peine. Non, taisez-vous tous. Rendez-vous. Ah, c'est pas mal. Et la version TikTok, elle est encore mieux. Moi, je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Oui, je veux mourir. Allez, dernière manche, on y va. Il y a tant de vagues et de fumée. Ça, tu l'as, ça. Michel Berger. On n'arrive plus à distinguer. Le paradis blanc. Bonne réponse. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. Où les nuits sont nous y ouais. C'est que des grands textes là. Tout seul avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant. Version TikTok. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. Eric, elle a un chandelier qu'elle va mourir. Ils sont déprimés sur TikTok aujourd'hui. Tous les manchots s'amusent dès le soleil levant. Wow. Et jouent en nous montrant. Maîtrise pas. Allez, remettez-nous de la joie, maîtrise pas. Moi, ça fait 5 points pour Maëva. Oh, bah, c'est bien, c'est. Et Kik, s'il en prend pas une. Bah oui, mais comme d'habitude, il perd. On je sais pas ce qu'il fait. Bon, on veut pas savoir d'ailleurs. Bon, j'espère que la semaine prochaine, ils seront plus en forme dans le Winklet. D'ici là, on est à retrouver en podcast absolument partout. Vous tapez Jadoul dans la trappe et vous réécoutez l'émission en intégrale, en petits morceaux, comme vous voulez. Le plus important, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, on vous souhaite le meilleur et des bisous. Ciao, ciao. Bisous. Jadoul revient mercredi prochain.